cours numéro 11. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Ahadna li darsina al-sabiq al-fasla al-sabi' fi hikmat al-nikah. On a commencé la lecture dans le dars précédent du 7e chapitre de cette risala al-zawaj, des règles concernant le mariage de Cheikh Ibn Uthaymeen rahmatullah alayh. Et on a commencé la lecture du 7e chapitre fi hikmat al-nikah, les mérites, les bienfaits, les sagesses du mariage. Cheikh Ibn Uthaymeen l'a cité plusieurs, minha hifz kull min az-zawjayn wa siyanatuh, ça préserve l'homme et la femme de tomber dans le haram. Kadhalik hifz al-mujtama' min ash-sharr, kadhalik anna l'homme et la femme, Allah il les a créés avec une shahwa. Ce mariage, ça permet de profiter de ma ahalallah subhanahu wa ta'ala dans le halal. Kadhalik hifdhu an-nasl, ça permet d'avoir des enfants et de préserver la race humaine bizawaj. Wa ba'da dhalik, après avoir cité ces hikam, nabbaha an mas'alati muhimma fa naqra. On termine le cinquième point. Qala lawla wa lawla an-nikah la lazima ahad amrayn, إما فناء الإنسان أو وجود إنسان ناشئ من سفاح لا يعرف له أصل ولا يقوم على أخلاق. أي le cinquième point, أي الحفاظ على النسل. النسل c'est la descendance, les enfants. هذا ça avec le mariage. أما sans mariage, إما la race humaine elle disparaît, il n'y a plus personne se marie, donc plus personne fait des enfants. إما البعض يفون des enfants لكن في الحرام, اي en faisant zina عياذا بالله. هذا قال شيخ ابن تيمين انسان ناشئ من سفاح لا يعرف له اصل. اولاد الزنا كثير منهم يكونس بلو اصل et ne pas connaître son اصل, c'est très grave عياذا بالله. ربما avec le مدة الانساب تختلط. هذا الشر كله C'est le résultat de az-zina iyadan billah. Et comme une chourour, des maladies, ahyanan, ces enfants, iyadan billah, ils sont touchés par des maladies de leurs parents, les annahum, ils faisaient zina. Al-muhim, il y a du shar, beaucoup de shar. Amma al-akhlaq, comme a dit le Cheikh Ibn Uthaymeen, wa la yaqoum ala akhlaq. Haoula, peut-être ces enfants, et hada, c'est, ba'd al-nas, ils l'ont vécu, ils l'ont vu. C'est ma'rouf, c'est waqi'. Anna, ils sont éduqués par des familles d'accueil, iyadan billah, et cette famille d'accueil, ils sont à la shar. Cet enfant, il a plus de repères. Thumma, ils vont dans des foyers. Thumma, kathir minhum, ils finissent à la rue. Il a, la shak anna, c'est des sharun azim. Khassatan fi bilad al-kufr. Anna, ils ont pas de limite fi hada. Celui qui n'est pas encadré par une famille tayyiba, un père qawi fi dini, et une mère afifa, et il est préservé hatta yaftah Allahu alayhim, imma il est livré à lui-même dans les écoles, dans iyadan billah, s'il n'a plus de parents, dans les foyers, dans les familles d'accueil, c'est du char, beaucoup de char. Wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala as-salama wa al-afiyah. Qala wa yatibu li an astatrida huna qalilan li hukm tahdid an-nasl. Cette mas'ala qu'il a citée huna elle est muhimma. Après avoir cité l'importance de faire des enfants, d'avoir des enfants, et anna c'est min hikam zawaj, d'avoir des enfants, et c'est un maqsad shar'i azim, c'est une des causes pour laquelle l'homme et la femme ils se marient, avoir des enfants. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a encouragé le mu'minin à faire des enfants, bel beaucoup. Tazawwaju al-wadud al-walud, qala alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Al-walud, ay, une femme qui fait, qui a beaucoup, qui peut avoir beaucoup d'enfants. Le Cheikh Ibn Uthaymeen, il va citer une mas'ala qui est connue sous le nom de tahdid al-nasl. La tahdid, c'est le fait de limiter, nasl, c'est la descendance, les enfants. Et la contraception. Qala fa aqul tahdid al-nasl bi'adad mu'ayyan khilaf matloub al-shari'a. Fa inna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam amara بتزوج المرأة الولود أي كثرة الولادة. أو كثير الولادة نعم أي كثيرة الولادة. النبي صلى الله عليه وسلم إنه أنكوراجي هذا والحديث تقدم وعلل ذلك بأنه مكاثر بنا الأمم أو الأنبياء أي pour que la umma du prophète صلى الله عليه وسلم ça soit la plus grande يوم القيامة. Parmi les intentions طيبة du musulman qui se marie c'est d'avoir des enfants. وقال أهل الفقه ينبغي أن يتزوج المرأة المعروفة بكثرة الولادة إما بنفسها وهذا تقدم معنا هنا يفس التنبيه quand on a cité le hadith. أما la femme qui a déjà été mariée et qui a eu beaucoup d'enfants هذا c'est واضح. On peut savoir qu'elle peut avoir des enfants elle en a déjà eu. أما البكر la femme qui n'a jamais été mariée فهذه قد يقول قائل comment savoir que c'est une femme waloud qui peut avoir beaucoup d'enfants. قال الشيخ ابن عزيمين إما بنفسها إن كانت تزوجت من قبل وعرفت بكثرة الولادة ça c'est le premier cas qu'on a cité elle a déjà été mariée elle a déjà eu beaucoup d'enfants donc si elle a été divorcée ou son mari il est mort se marier avec elle لأنها a beaucoup d'enfants فطيب أي elle pourra avoir d'autres enfants أو بأقاربها كأمها وأختها إذا كانت لم تتزوج من قبل si elle a jamais été mariée auparavant parmi les causes pour savoir Anna c'est une femme qui peut avoir des enfants on regarde sa mère peut-être que sa mère elle a eu beaucoup d'enfants parmi ses enfants cette femme donc c'est une qarina ça peut être le cas de la fille ou ses sœurs elle a une sœur et elle s'est mariée elle a eu beaucoup d'enfants هذا كذلك c'est une qarina قال وأختها إذا كانت لم تتزوج من قبل ثم قال جمع العثيمين ثم ما الدعي لتحديد النسل pose cette question رحمه الله il a posé cette question ما الدعي et pourquoi limiter les naissances avec des moyens de contraception لماذا il va citer deux causes هو رحمة الله عليه et قبل هذا اعلم أن أعداء الإسلام ils font tout pour limiter les naissances khassatan 'inda al-muslimin. Et كذلك ils ont une fikra il faut limiter les naissances les réserves de la planète si tout le monde fait beaucoup d'enfants il y aura pas assez pour tout le monde il a akhir. Leur qawl hada il est batil c'est Allah ar-Razzaq. Chaque enfant qui naît Allah subhanahu wa ta'ala yaktub rizqa. Comment ils peuvent prétendre hada? Man akhbarahum? Allah subhanahu wa ta'ala il crée ce qu'il veut quand il veut. فسي لا بوبولاسيون ال اوغمونت الله سبحانه وتعالى يرزق كي il veut et ربما dans certains pays font tout pour limiter les naissances il y en a les richesses elles sont pas assez pour tout le monde ils prétendent ils limitent les naissances Allah يعاقبهم peut-être avec la sécheresse qu'est-ce qu'ils vont faire s'il y a plus de pluie اما s'ils font des enfants et Allah سبحانه وتعالى يفتح عليهم من البركات أي la pluie la أخرف يسون على خير donc ça c'est باطل لكن أشد من هذا أن أعداء الإسلام يركزون على المسلمين لماذا لأن ils savent أن une umma qui est nombreuse خاصة qui est éduquée على التوحيد على السنة ça peut leur faire beaucoup de mal لهذا أعداء الله الأشرار ils font tout pour limiter les naissances et ils ont des campagnes في هذا ils ont des instituts ils ont propagé beaucoup de choses et أحيانا la femme elle est même pas au courant et ربما ils lui font une chose pour qu'elle a plus d'enfants عيادا بالله قال الشيخ ابن عثيمين هذا c'est خارج الرسالة في فتاوى نور على الدرب رحمة الله عليه ولهذا يجب على الأمة الإسلامية أن تعرف أن محاولة تحديد النسل أو تنظيمه إنما هو من كيد أعدائنا بنا شيخ ابن عثيمين في فتاوى النور على الدرب dans une fatwa il a mis en garde il a démontré aux musulmans أنهم يجب faire attention أن هذه الفكرة c'est من أعداء الله et والله c'est pas pour notre bien toutes les causes qui vont citer أن si on a beaucoup d'enfants on peut pas les éduquer si on a beaucoup d'enfants peut-être qu'ils trouveront plus de travail et l'akhir et Cheikh Ibn Taymiyyah il va fassal shay an ma bi hada tout ça c'est batil al kafir il veut pas ton khair ayyuha al muslim an nabi sallallahu alayhi wa sallam qala tazawwaju al wadud al walud wa qala Rabbuna jalla wa ala, en parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tout ce qui vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est min bab ar-rahma. Wa la takhaf. N'aie pas peur. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il voulait le khair de l'âme. Allah subhanahu wa ta'ala, il veut le khair pour le mu'minin. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a ordonné de suivre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, قَالَ تَزَوَّجُ مَرِيَّ avec الْوَدُودُ الْوَلُودُ. Et la femme qui fait beaucoup d'enfants. Enfin, on va prendre la parole de qui? Du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou des ennemis de l'islam? Lakin, il y a d'autres causes qui vont pousser le muslim probablement à vouloir ou à pratiquer ça, avec des moyens de contraception pour pas avoir d'enfants. Cheikh Ibn Uthaymin, il a résumé en deux causes. قَالَ هَلْ هُوَ الْخَوْفُ مِنْ ضِيقِ الرِّزْقِ أو الخوف من تعب التربية دوكا الخوف من ضيق الرزق الرزق c'est ce que الله سبحانه وتعالى يدن أو عباد les biens, la nourriture إلى آخر أو الخوف من تعب التربية التربية c'est l'éducation بعض الناس ils ont peur d'avoir beaucoup d'enfants لأنهم ils ont peur pour leur avenir كما يقولون peut-être que si on a beaucoup d'enfants qui sait qui va leur payer telle chose qui sait qui va leur acheter à manger إلى آخر alors que c'est Allah qui donne. لو توكلوا على الله حق توكله ils auraient pas هذه الوساوس. لكن ça revient à notre درس précédent في كتاب التوحيد ضعف في التوحيد او الخوف من تعب التربيه او يقولون ça peut être un couple qui est très très à l'aise, ils ont beaucoup d'argent et d'affaires, ils ont pas de problème financier, لكن ils ont peur من حيط التربيه. Et si on a 5 6 7 8 enfants, on pourra pas les éduquer et d'affaires. Ils vont utiliser ces moyens de contraception pour plus avoir d'enfants. Cheikh Ibn Uthaymin va détailler les deux cas. قال إن كان الأول أي الخوف من ضيق الرزق, celui qui a peur de l'avenir pour son enfant ou pour lui-même. La famille s'agrandit et peut-être qu'il va avoir peur. Est-ce qu'il va pouvoir toujours prendre soin d'eux, leur payer telle chose? قال Cheikh Ibn Uthaymin إن كان الأول فهذا سوء ظن بالله تعالى لأن الله سبحانه وتعالى إذا خلق خلقا فلا بد أن يرزقه قال تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها سوء ظن بالله عز وجل. Ça c'est une mauvaise pensée envers Allah سبحانه وتعالى. C'est qui le créateur? C'est Allah. Si Allah عز وجل il a créé هذا الولد, le couple c'est qu'une cause. Anta, en tant que cause, n'aie pas peur. Allah, c'est lui qui a créé cet enfant et c'est lui qui lui donnera. Imma par ton intermédiaire, et ça sera toi la cause, ou ça sera un autre. Fala takhaf. Hada, c'est une mauvaise, à cause d'une mauvaise aqida. Et hada, fil haqiqa, c'est pas que pour les enfants. Prends le domaine de la hijra. C'est la même chose. Si on pose la question, remplace la question, pourquoi Ba'd al-Muslimin, ils n'arrivent pas à quitter Bilad al-Kufr? La première, une des premières réponses, خوف ضيق الرزق, c'est la même chose. سوء الظن بالله, c'est la même réponse. توكل على الله. Allah أمرك بالهجرة, il t'a ordonné de te déplacer là, تخاف. Ne crois pas que en France l'argent que tu as c'est grâce au pays, c'est grâce aux structures, c'est grâce au travail. Ça c'est une mauvaise aqida. C'est des causes. Combien de gens en France et ils ont du mal à finir le mois et ils sont fitab. Même à Bardo, ils ont des gros salaires, mais qui ils perdent la moitié dans des impôts, dans des amendes, dans des affaires de justice. Et tu trouves musulman dans un pays musulman, et Obama il a un peu, et il a fait khair, baraka. Et tu trouves un musulman, une vibilade musulmane, arnia. Obama, il n'y a pas de riche comme le vibilade kofre. Donc ça n'a rien à voir avec le bilad. Pourquoi les anna, on doit avoir cette aqida, que ce soit pour les enfants, que ce soit pour le hijra. Que ça soit tu veux voyager pour talab al-ilm, que ça soit pour beaucoup de choses. At-tawakkul ala Allah. C'est Allah qui donne. Surtout, akhil karim, quand tu veux te rapprocher d'Allah, quand tu veux faire une adoration. Avoir des enfants, si tu as une bonne niya, il y a du ajr, beaucoup. Limadha li anna, c'est appliqué l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tazawwaju al-wadud al-walud. La takhaf. Si tu veux appliquer une sunnah, n'aie pas peur du risque. Bel fais-la. وَعْلَمْ أَنَّ cette adoration que tu veux faire c'est مِنْ أَسْبَابِ الرِّزْقِ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلْ قَالْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. فأما قوله عز وجل من حيث لا يحتسب ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله celui qui craint Allah الهجرة c'est من تقوى الله avoir des enfants se marier c'est من تقوى الله pour se préserver du haram pour suivre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam la récompense ou le résultat le fruit de cette taqwa يرزقه من حيث لا يحتسب c'est même pas de quoi manger là من حيث لا يحتسب ça peut être beaucoup, ça peut être de la baraka, et Rabbama, tu t'y attends même pas. Tu ne sais même pas d'où ça va venir. Est-ce que les familles qui ont beaucoup d'enfants, ils mangent moins que ceux qui ont un enfant ou deux? Ah putain. Tu trouves certaines familles, ils n'ont qu'un enfant, et ils sont fidhir, fichidda, ils ont du mal, et tu trouves certaines familles, ils ont beaucoup d'enfants, et ils sont fichir. Est-ce que celui qui fait le hijra, il va forcément moins manger? Ah putain. Tu trouves des frères, ils ont fait les hijras, leur situation elle s'est améliorée. Tu trouves des frères, ils sont restés vivre la couf, leur situation elle s'est aggravée, on parle financièrement. Donc c'est pas ça le misère. La question, c'est quoi qui nous a fait du mal dans ces, dans toutes ces masaïdes? Avoir des enfants, ou se marier avec une femme, ou la hijra, ou autre. C'est quoi qui fait du mal? C'est al-dhan, sou-dhan. Celui qui a une mauvaise penser un mauvais dhan envers Allah subhanahu wa ta'ala, il se fait du mal. C'est quoi la cause de ce dhan? Al-jahl, l'ignorance, s'écarter du ilm et les mauvaises fréquentations. Al-jahl, l'ignorance et s'écarter du ilm, khassatan ilm al-aqida, ça va durcir ton cœur. Et l'insan, il ne connaîtra pas Allah haqq al-ma'rifa. Mais celui qui connaît Allah, Allah c'est le hayy, c'est le qayyum, c'est le razzaq. C'est le Qadir, c'est le Kerim, c'est le Rahim. Il connaît Allah avec ses noms et ses attributs. Fakif, Allah t'a ordonné de te déplacer. Ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il t'a encouragé à faire des enfants. Thumma, il va te laisser. Ayyadam billah. C'est ça, su'udhan. Allah subhanahu wa ta'ala te dit de faire une chose. Thumma, il va te laisser, il va pas te donner. Ayyadam billah. Allah, c'est le Kerim. Allah, c'est le Kerim. Et il peut t'éprouver l'achèque. Lakin, isbir, et tu seras à l'akhir. Fi dunya wa fi l'akhirah. كذلك les mauvaises fréquentations. Il y en a celui qui est accompagné par des mauvaises personnes. Rabbama, il a un enfant, deux enfants, trois, quatre. Rabbama, son ami, ou un membre de sa famille. يخوفه. Anta, tu as quatre enfants, cinq enfants. Lakin, regarde, il a akhir, il lui parle de l'actualité. Hatta yadhiq sadru. Et Rabbama, il prend la décision de ne plus avoir d'enfants. Ou l'hijra. Tu vas te déplacer dans tel pays, tu vas délaisser cet endroit, tu vas délaisser ton travail, tu as les aides, tu as telle chose, amma là-bas, il n'y a rien. Thumma yad'uf. Amma, si tu es accompagné par ahl al-ilm, ou talabat al-ilm, ou hatta salih min al-salihin, il va t'encourager, il va te rappeler. Il va te dire, c'est Allah qui donne. Est-ce qu'on est en France, on aura du risque, on part de la France, il n'y a plus de risque? Hada su'udhan. Ça veut dire que Razzaq, Allah Azza wa Jalla, c'est que dans ce bilad, c'est tout. Aïna, sifat al-razq. Sifat al-razq, c'est la sifat qui de Allah subhanahu wa ta'ala. Aïna, c'est al-razzaq. Azza wa Jalla, aïna. On fait attention. C'est abouab, c'est très très important. Et ça nous montre que pour comprendre et pour avancer dans son din, il faut travailler la base. Si tu as une base solide, tawhidun wa aqida, ala fahmi salaf. Et bien sûr, tu te forces à mettre en application, tout le reste, ça sera ça. Tu parles de cette mas'ala, avoir des enfants, tu te maries là, tubali. Tu fais, walillahi alhamd, et Allah subhanahu wa ta'ala, yarzuq awladak ila akhir. La hijra, tu as appris que la hijra est obligatoire, tu te prépares, tu fais l'asbab, tatawakkal ala Allah. Hatta talqa Allah. Amma, on s'écarte de hada, fa shaitan, rubama, il nous enlève la hijra. Il nous enlève, il ne faut pas voyager pour l'ilm, il ne faut pas se déplacer pour la hijra. Tu te maries là, tu te limites qu'à un enfant, tu ne fais pas le hajj, tu ne fais pas l'umra, il te yuharibuk à cause de hada su'udhan. Combien de gens ils ont pas fait le hajj? Combien de personnes ils n'ont pas fait le hajj? Ils n'ont pas beaucoup d'enfants, ils ne font pas le hijra. Ils n'apprennent pas tout ça à cause de la peur du risque. N'ayyadam billah. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وقال تعالى وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم وقال تعالى في الذين يقتلون أولادهم خشية الفقر نحن نرزقهم وإياكم et le début du verset ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق الإملاق c'est le فقر انظروا الحال qu'ils ont atteint هؤلاء أنهم À l'époque, il n'y avait pas les moyens qu'il y a aujourd'hui, les moyens de contraception, l'avortement, il a arrêté. فَبَعْضُهُمْ كَانَ يَقْتُ الْأَوْلَادَ إِمَّا c'était une fille, ils avaient honte, il a arrêté. حَلَ كُفَّارْ قُرَيْشِ إِمَّا مِنَ خَوْفَ الْفَقْرِ فَتَأَمَّلُوا, ils sont arrivés à ce niveau. L'enfant, il est né et il le tue. عَيَّدًا بِاللَّهِ. À notre époque, c'est différent. À notre époque, c'est avant. Le خَوْف, c'est le même. خَشْيَةَ إِمْلَاقِ. C'est la même chose, et la crainte de la pauvreté, c'est la même. Il y a des moyens, les moyens de contraception, l'avortement. La femme, elle est tombée enceinte au lieu de yashkurullah subhanahu wa ta'ala, et il reconnaît un ni'ma, et il profite de cette ni'ma, de cet enfant, il a akhiré, ba'duhum, ils avortent, iyadam billah. Donc ces versets sont très très importants. Wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha. C'est qui donne? Qala 'azza wa jalla, Allahu yarzuquha wa iyyakum. Si on a cette aqida, tu seras reposé, apaisé, tranquille dans beaucoup de choses. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas les causes là. Les causes que tu vas faire fi bilad al-kufr, tu les fais fi bilad al-muslimin. Les courses que tu faisais quand tu avais deux enfants, tu les fais quand tu as trois enfants. Alhamdulillah. Et chaque enfant viendra avec son risque. Et arrêtez de se poser des questions inutiles. Pardon, ils se font beaucoup de mal. Mais si... Comme a dit le Nabi, si ça ouvre une porte à Shaitan, peut-être que tu vas mourir. Peut-être que cet enfant que tu as peur du risque, il va naître, il va mourir. Peut-être que cet enfant, il va grandir et Allah, il va t'ouvrir une autre porte de risque. Alhamdulillah, tu seras encore plus riche que tu étais avant. Tout ça, c'est min harb iblis. قال شيخ ابن عثيمين وإن كان الداعي لتحديد النسل هو الخوف من تعب التربية فهذا خطأ كم من عدد قليل من الأولاد أتعبوا إتعابا كبيرا في التربية. Ça, كذلك, c'est un خطأ. Ils pensent s'ils ont beaucoup d'enfants, ils arriveront plus à suivre. Et ces enfants, ils sont bruyants, ils vont les occuper. Là. Et ça, c'est batil. Comme a dit le Cheikh قال وكم من عدد كثير سهلت تربيتهم بأكثر ممن هم دونهم بكثير. Tu trouves des familles, ils ont un enfant ou deux enfants, ils ont beaucoup de mal à les élever. Tu trouves une autre famille, ils ont 5, 6, 7, 8. Et Allah, il leur facilite. لماذا لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل. L'insan, il fait les causes, et parmi les causes de tarbiya, c'est pas de limiter les enfants. Là, Robama, un enfant. Et, عياذا بالله, ses parents, ils ont que du shar à cause de lui. Des problèmes de justice, des problèmes avec les voisins. Un. Robama, ils en ont 5, 6 et ils sont à la khair. Très calme, et ils font des efforts fi dinillah, ils font des efforts fi ma yata'allaq bid-dunya, et ils aident leurs parents, alhamdoulillah. Donc c'est pas le nombre. Là, le nombre ça change rien. C'est comment les éduquer qui est important. Et at-tawakkul 'ala Allah. Qala fal-madar fi at-tarbiyah su'ubatan wa suhulatan 'ala taysir Allah ta'ala wa kullama ittaqa al-'abd rabbahu وتمشى على الطرق الشرعية سهل الله له أمره قال تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. On a cité le verset نحن ومن يتق الله يجعل له مخرجا et كذلك ce verset. Vous avez remarqué que les deux versets, ça commence par ومن يتق الله. Ça nous montre أن la base c'est taqwa. Si tu as taqwa, n'aie pas peur de le hijra, d'avoir des enfants, de te marier, de faire le hajj, d'étudier, de faire du bien, n'aie pas peur. لأن الله il est مع المتقين. Plus l'insan il s'écarte du taqwa, plus il se fait du mal. Enfin, la cause de subsistance, de risque, c'est pas de laisser le taqwa. Ne pas faire d'enfants ou pas beaucoup d'enfants, délaisser la hijra et la akhira. Ça, c'est une cause qui fait du mal. On peut citer un troisième cas. Cheikh Ibn Uthaymeen, il a cité ضيق الرزق و تعب التربية. Un autre cas, نوعد النساء عيادا بالله. Elles décident de ne plus avoir d'enfants pour préserver leur jism. Elles ne veulent pas prendre de poids. Il a akhiré. L'anna al-wilada, le fait de tomber enceinte et d'accoucher. La shakana, il y a un impact sur le corps de la femme. Fawad al-nisa, au lieu de reconnaître al-ni'ma et penser à toutes ces femmes qui veulent des enfants Et Allah, il n'a pas qu'adr à ces femmes, elles ont des enfants, au lieu de penser à cette ni'ma. Et certaines femmes, elles ont été privées. Les hikmah min hikamillahi azza wa jal, enfin, tu trouves, pour ne pas prendre de poids, prends cette décision. Et le gharib, c'est que le mari, il suit. Et il est d'accord. Yadam billah. Et ça, la cause, c'est at-ta'athur bi al-kafirat, al-mujrimat. La base, c'était le kafirat et la gharib. Certaines muslimates ta'atharna bi hadha. Kadhalik, yadam billah, ba'dhum, ils ont un culte de l'apparence. Les hommes, c'est le sport, il a akhiré. Et kadhalik, les femmes, l'apparence. Si elle est enceinte, après son corps, il a subi beaucoup de choses à cause de hada, au bout d'un ou deux, elle veut arrêter. Hada, c'est très très grave. Dha'afun fi d-din et dha'afun fi l'aql, dans ce cas. قال وإذا تبين أن تحديد النسل خلاف المشروع فهل تنظيم النسل على الوجه الملائم لحال الأم من ذلك؟ On a un autre terme, on a تنظيم النسل. تنظيم الشيء, c'est le fait de régler une chose. تحديد النسل, c'est l'arrêter. تنظيم النسل, c'est l'arrêter, لكن un moment, فقط. Vous avez compris la différence. تحديد النسل, un couple, ils ont deux enfants, ils décident de ne plus avoir d'enfants. Ils veulent que deux. هذا لا شك, c'est haram. ولا يجوز. Deuxième cas, tanzim al-nasl. Ils ont deux enfants, lakin, pour une certaine période, ils veulent s'arrêter et que cette femme, elle ne tombe pas enceinte pour une cause. Alors, si cette cause, elle est légitime, c'est une varoura, elle est importante, ça fait du mal à la femme, c'est permis. Si cette cause, il n'y a rien de concret, d'important, elle a créé, là, il y a juste. Hada khulasat al-kalam. Qal shi'un al-thaymin. Là, ليس تنظيم النسل على الوجه الملائم لحال الأم من تحديد النسل في الشيء وأعني بتنظيم النسل أن يستعمل الزوجان أو أحدهما طريقة تمنع من الحمل في وقت دون وقت فهذا جائز إذا رضي به كل من الزوج والزوجة وهذا العلماء ils ont cité des conditions parmi ces conditions c'est que le mari et la femme soient d'accord هذا أولا et كذلك que ça soit un temps déterminé. Troisièmement, qu'il y ait une cause. Pourquoi? Pourquoi cette durée déterminée, ils veulent ne pas avoir d'enfants? Et là, c'est un mythe. Quand le mythe, « Antakoun al-zawja da'ifa wal-haml, yaziduha da'fan ou maradhan, wa hiya kathiratul haml. » Ça, c'est un cas. Dans ce cas, c'est légiféré, c'est permis de, une certaine période, le couple, il se met d'accord, il décide de faire les causes pour que cette femme elle tombe plus enceinte. Les malades, il y en a certaines femmes elles tombent souvent enceintes. Et Cheikh Ibn Uthaymeen l'a cité ce mythe. Mar'a da'ifa. Et si elle tombe enceinte, ça la rend encore plus da'if. Elle est malade. Et khasatan si un tabib musulman et il conseille al-haml yu'athir ala hadhihi al-mar'a ila akhirih. Dans ce cas, c'est permis. Lakin ça sera une période quand cette femme elle reprend des forces. Et au bout d'un certain temps, un an, deux ans, Allahu a'lam, elle est capable, le tabib dit tamam, elle s'est reposée l'âne, elle peut, fa fi hadha al-hal, ils arrêtent d'employer ses moyens et si elle tombe enceinte, alhamdulillah. Ça nous montre ar-rahma. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne nous impose pas au-dessus de nos capacités. Enfin, celui qui ne peut pas, la yatahammal, l'exemple de la femme, elle est malade, il a akhira, fa fi hadha al-hal, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Qala Cheikh Ibn Uthaymeen. فتستعمل برضا الزوج. Ça c'est important. فالمرأة ne prend pas la décision toute seule. Même si elle est ضعيفة, même si elle est مريضة, لابد من رضا الزوج. Et الزوج في هذا الحال, il faut qu'il soit رحيما بهذه المرأة. Si sa femme elle a vraiment besoin et elle lui demande, il a أخري, ففي هذا الحال, il doit accepter. Mais il va la laisser, ça lui fait beaucoup de mal, ça peut arriver dans un état critique là. Il accepte, mais la femme elle demande. Elle a un bout de ça. Rida al-zawj. Parce que le zawj a un haq azim. Un haq azim sur cette femme. Il dit فتستعمل برضا الزوج هذه الحبوب التي تمنع من الحمل مدة معينة فلا بأس بذلك. هذه الحبوب, si c'est un temps limité, نعم, comme a dit Ibn Uthaymeen, la bas. Mais هذه الحبوب فيها ضرار كثيرة. Si un autre solution, un autre moyen, grâce à un naturel efficace, fa afdal. Amma hadhihi al-hubub khassatan le long terme, fa'iyadan billah, ça provoque des maladies. Combien de femmes elles ont été touchées par des cancers et la cause ça a été hada. Khassatan tawl al-mudda. Ba'dhuhun matalan elles arrivent à l'âge de 25 ans, 30 ans, elles ont eu deux enfants, elles décident d'arrêter, elles prennent ces pilules pour ne plus tomber enceinte de 30 ans jusqu'à 50 ans matalan. C'est kathir. Kathir min de ces femmes elles tombent malades de certains cancers, ayyadun billah. Limada li anna ces pilules, c'est composé avec des substances chimiques, ça fait beaucoup de mal à la femme. Enfin, si c'est une période courte, la basse. Lakin, même ce cas, si l'insan peut employer une méthode naturelle, fa alhamdulillah. Ala kulli hal, fi hadha, l'insan revient à l'ilm, il revient au médecin compétent, hatta, il connaît c'est quoi l'anfa. قال وقد كان الصحابة يعزلون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينهى عن ذلك والعزل من أسباب امتناع الحمل من هذا الوقت. هذا الطيب كلا ستة هذا شيخ ابن عثيمين سندون أصل في هذه المسألة كما في حديث جابر رضي الله عنه قال كنا نعزل والقرآن ينزل كنا نعزل والقرآن ينزل رواه البخاري ومسلم. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قال العزل أي النزع بعد العلاج لينزل خارج الفرج أي c'est que l'homme il se retire avant d'éjaculer, c'est ça l'azl. Et là chaque أن cette cause ça permettra que la femme elle tombe pas enceinte. لماذا لأن l'homme il a éjaculé في الخارج en dehors. Donc الصحابة رضي الله عنهم ils appliquaient هذا. Et le Coran ينزل et le Nabi صلى الله عليه وسلم il l'aura jamais interdit. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a jamais révélé un verset pour démontrer que c'est haram. Les anna, c'était fait waqt al-tashri'. C'était une période, la révélation elle descendait. Ça serait mauvais. Là, chacun verset, il serait descendu. Ou le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il aurait interdit hadha al-fi'l. Ça montre que c'est permis. Donc ça, c'est la base. Et là, chacun d'entre eux, il faisait ça pour une raison. Radiallahu anhu. إما peut-être leur femme elle était malade. Ou غير ذلك. مهم, c'était une maison mashru'a. لماذا لأنهم c'est أفضل الناس. بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ورضي الله عن الصحابة فهذا أصل pour montrer que تنظيم النس une certaine période ne pas avoir des enfants pour une cause concrète correcte فهذا c'est permis et في الحقيقة il a résumé هذه المسألة avec un كلام مختصر et مفيد. شيخ ابن باز رحمه الله نبه هنا تنبيه مهم قال أما ما قد فسر به تنظيم النسل بأنها تتعاطى أدوية تمنع الحمل بعد ولدين أو بعد ثلاثة أو بعد أربعة فهذا ليس بتنظيم صحيح بعضهم vous avez compris la différence entre تحديد النسل والتنظيم تحديد c'est حرام التنظيم avec ses شروط c'est permis تحديد c'est limité التنظيم c'est réglé donc تحديد النسل c'est le fait d'interrompre au bout de trois enfants, deux enfants, ce couple, ils veulent plus avoir d'enfants. Tanzim, c'est le fait de régler, entre guillemets, à une certaine période, ne pas avoir d'enfants pour une cause, summa, reprendre. Falbard, sur une base, il a précisé, certains, ils ont compris, mais tanzim, et que c'est permis, le fait d'avoir trois enfants, summa, arrêter. Il dit, hada, summa, tanzim. Et on a eu trois, et maintenant, on a décidé. Quand même, ils pensent, tahdid, c'est complètement ne pas avoir d'enfants. Hada, c'est khata. Il y en a même celui qui a cinq enfants, thumma, il décide de ne plus avoir d'enfants. Ils utilisent des moyens de contraception. Khasatan. Et en général, ça sera fondé sur le khawf min al-rizqa ou tarbiya kama taqaddam. Hada, la, la yambari, la yajouz. C'est fondé sur su'zan billah. Hada, tanbih, il est muhim de Sheikh Ibn Baz. Qala, hada, laysa bitanzim, walakinahu qat'un lin-nasl. Qat'un, ça c'est. Couper, arrêter le fait d'avoir des enfants. قال وحرمان للزوجين من النسل وهذا لا يجوز. Ça c'est haram. Avoir des enfants c'est une ni'ma. ربما الله سبحانه وتعالى يجعل نجاتك وفوزك في أحد أولادك. Peut-être que un de ces enfants ça sera la cause de ta réussite في الدنيا والآخرة. كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن رجلا يوم القيامة أو في الجنة il aura une énorme place et il demandera من أين هذا et pourquoi j'ai cette place alors qui sait qu'il n'a pas fait l'amal pour cette place فيقال له ولدك الصالح C'est ton enfant pieux qui faisait des du'a pour toi. Et comme min awlad, ils vont faire shafa'a pour leurs parents. Robama, un des parents, il va faire une nar, yawm al-qiyam, ayyadam billah, pour une cause, et un de ses enfants, il fait shafa'a pour lui. Cet enfant qui était à la tawhid, à la sunnah, il fait shafa'a, et Allah, il accepte shafa'a, et il sort, bi idnillahi subhanahu wa ta'ala. Kadhalik fi dunya. Kadhalik fi dunya. Peut-être que tu as trois enfants, et Allah, il qaddara anna ses enfants, ils tombent malades, ils meurent, et le quatrième que tu as eu, celui qui reste est dead. Wa hakadha. Il y a beaucoup de cas où al-uqala fadlan an al-mu'minin as-salihin, ils comprennent mitla hada, wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala التوفيق والإعانة